Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Bonjour Feriel Bakoury, directrice. Alors, je dois dire, parce que là, on vient de changer d'identité sur la nouvelle scène nationale qui, pour cette nouvelle saison, a trouvé une nouvelle identité. Point commun, nouvelle scène nationale, on peut toujours le prononcer ainsi ? Oui, tout à fait, nouvelle scène nationale de Cergy Pontoise et du Vondoise. Je ne sais pas si c'est une nouvelle identité, mais plutôt un nouveau nom, puisque la nouvelle identité, elle a été lancée avec mon arrivée. Et comme je l'ai toujours dit, avec des lignes de continuité avec mes prédécesseurs, qui étaient Jean-Joël Le Chaplin et Joël Draguitin. Donc c'est toujours une scène pluridisciplinaire, avec des temps forts. Et donc du coup, c'est un nouveau nom que nous avons mis 20 mois à trouver, en effet, et point commun. Pourquoi point commun ? Parce que, je l'ai expliqué au démarrage de la présentation de saison et je le dis dans mon édito, c'est vrai que toutes les rencontres et la façon dont cette première saison s'est déroulée avec tous ces projets participatifs, avec tous ces temps forts différents, avec toutes ces rencontres, m'ont donné envie de nommer cette scène nationale point commun. C'est un travail collectif avec l'équipe, mais aussi avec... Une agence qui nous a aidé à trouver ce nom, et puis que c'était un clin d'œil aussi peut-être à la réalité que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire que je trouve qu'on parle beaucoup des différences, des divergences, qu'on oppose beaucoup les gens, et que je trouve que la question de la différence, on peut la traiter d'un point de vue justement tout à fait différent. Moi, j'aime l'enrichissement que provoque la différence. Je trouve que, voilà, j'aime voyager, j'aime découvrir, que ce soit dans le Val d'Oise, toutes les communautés qui y sont, que ce soit dans le monde. Et l'idée que l'humain puisse se rassembler autour de ces différences m'intéresse bien plus que le parti pris inverse qui tend à diviser. Et donc, du coup, j'ai trouvé que Cergy Pontoise, dont on a beaucoup dit, population de Cergy, population de Pontoise, c'est pas pareil. Et bien, j'ai trouvé que cette année, en tout qu'à 18-19 que j'ai vécu avec les habitants, on s'était vraiment sacrément bien rassemblés autour de nos points communs pour danser, pour écouter de la musique, pour voir des spectacles. Voilà. En effet, rassemblés pour aussi mettre en avant plus ce qui nous ressemble que ce qui nous différencie, cependant tout en respectant les différences et les nuances qui peuvent exister dans notre société, tant sur les formes artistiques, là on a l'impression qu'on élargit encore le spectre des propositions, des esthétiques artistiques, et aussi ce qui est à signaler et à repérer, c'est qu'il y a un vrai travail qui continue, qui se développe, qui s'élargit sur le fait d'élargir les propositions artistiques à de nouveaux publics qui n'étaient jusqu'alors pas toujours concernés par les actions menées par la scène nationale. Je dirais qu'on poursuit, en tout cas dans la deuxième année, peut-être ce qui est différent, c'est que l'année dernière, on a conquis les jeunes avec notre génération, on a conquis des gens tout à fait nouveaux avec Atlas. Les spectacles de la programmation dans toutes les disciplines ont été extrêmement bien fréquentés. 70% du public traditionnel des deux scènes sont venus tout à fait spontanément. 30% de nouveaux publics sont venus fréquenter la scène nationale. Les générations se sont mélangées. La scène ce soir était quand même vraiment extrêmement pleine au Théâtre des Louvrets, composée des publics qui viennent depuis très longtemps dans les deux lieux. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui est nouveau peut-être dans cette saison en particulier, c'est qu'il y a un lien peut-être aux zones rurales est faite. Elle est faite comment ? Elle est faite par ce projet jardin qui ouvre la saison, puisque nous avons invité les habitants à constituer un jardin tous ensemble à partir de leurs plantes qu'on va, j'espère, nous prêter. Ce jardin, ça sera le décor d'une programmation qui aura lieu avec Cergy Soir. Il y aura aussi un trek danse en fin de saison. Un trek danse, on ira danser donc dans le Vexin. Et c'est vrai que ce lien avec la nature et l'espace rural se fait par le département, qui est rural en partie, mais aussi par les grands enjeux qui ont soulevé toute l'année, les enjeux du climat, les enjeux de l'irresponsabilité politique face au sort de notre planète. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui est nouveau, qui va nous réunir un peu différemment. Il y aura un autre grand projet participatif qui s'appelle Weekend Bioro, qui nous fera chanter. L'année dernière, les habitants ont raconté leur place dans la ville, dans la cité, et là, on va chanter ensemble. Encore une autre chose, il y aura en plus des temps générations qui réunissent toutes les générations, et puis le temps arrêt humanité dont j'ai beaucoup parlé en mars, il y aura des temps en famille, des week-ends en famille, et ça j'y ai tenu parce que c'est vrai que voilà, quand on est là au bout de 20 mois, je suis à Cergy presque tout le temps, on a très envie que toutes les familles puissent venir avec leurs enfants, leurs grands-parents, leurs cousins, leurs cousines, voir des spectacles qui sont magnifiques, mais tout à fait accessibles. Ce sont des spectacles jeunes publics qui sont faits aussi pour les adultes. Ce sont des spectacles de cirque, ce sont des spectacles qui touchent des univers très plastiques, qui sont à la fois très beaux et très, très faciles d'accès, très joyeux. Et c'est vrai qu'en janvier, quand on fera ce temps fort en famille numéro 2, il y aura aussi des magiciens qui viendront. Il y aura toute une vie du lieu qui nous permettra de nous réunir autrement. Donc j'ai envie de dire, on avance avec des nouveaux temps forts, mais aussi toute une programmation théâtre, danse, musique, un peu dans l'esprit de l'année dernière, mais avec de nouveaux artistes qui sont ou passés à la scène nationale ou pas du tout. Donc. Il y a des sujets qui traversent de plus en plus la société, qui questionnent, qui interrogent, qui bousculent peut-être aussi une situation où se sont au fil du temps développées différentes discriminations, différents sujets de société. Je pense au sexisme en particulier et tout ce qui est effectivement aujourd'hui le débat qui est permanent sur les questions autour du genre ou des genres, la situation sur l'égalité homme-femme. On sent que la programmation de cette édition 2019-2020 fait écho à ce qui se passe dans le reste de la société, sur ce sujet comme sur d'autres. Ce que je dis toujours, c'est que les artistes sont complètement en prise avec le monde. Et donc, quand on fait mon métier, on va voir 300 spectacles par an. Et de la même façon qu'on voit des spectacles sur les enjeux climatiques, comme celui de Frédéric Ferrer, ou comme Pleasant Island que Jasmine Lebert a présenté, l'île agréable qui va disparaître, ou alors encore un autre spectacle de la programmation dont je ne me souviens plus là maintenant, si c'est celui de Frédéric, il n'empêche qu'on voit aussi beaucoup d'autres spectacles qui racontent à leur façon. Alors, je ne sais pas si c'est féministe, mais on voit beaucoup de femmes qui, en effet, à leur façon, des quatre coins du monde, racontent quelque chose de leur situation. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand on parlait de mouvement féministe dans les années 60, on avait la référence de Simone de Beauvoir, et on se disait, c'est le féminisme. Pour moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la question des féminismes. Pour moi, il y a des féminismes de toutes sortes. Aiza Johnson, la chorégraphe philippine, j'ai envie de dire Malika Taneja, chorégraphe indienne, ou alors Fia Ménard, tant de points de vue, tant de femmes différentes, que cette programmation a été présentée avant d'être présentée devant tout le public, aussi aux enseignants, et que c'est pas du tout une programmation féministe agressive contre les hommes, parce qu'au contraire, beaucoup d'hommes et beaucoup d'enseignants se saisissent de ces sujets et m'ont dit on est très content que vous ayez cette programmation, parce que du coup on va pouvoir évoquer des sujets que les adolescents évoquent, c'est-à-dire les rapports entre les garçons et les filles, qui sont, je ne sais pas si c'est moins bien ou si c'est mieux, mais en tout cas, à l'évidence, c'est un sujet qui est assez partagé et que les artistes traite de façon tout à fait différente et aussi avec beaucoup d'humour. Donc oui, les féminismes seront présents, mais aussi les autres thèmes qui avaient peut-être moins clairement l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de théâtre international, mais on retrouve, j'ai envie de dire, des grands textes de la littérature. Moi, je me suis reprise beaucoup de plaisir à voir l'éducation sentimentale de Stendhal, à voir le Un instant de Proust, à voir le Bérénice de Céline Pote. Donc on retrouve aussi des textes, j'ai envie de dire des grands textes de théâtre qui seront mis en scène par des grands, grands metteurs en scène. Et ce qui m'intéresse toujours pour ces questions de textes de théâtre, c'est le point de vue du metteur en scène. Pourquoi aujourd'hui, vous avez bien vu dans la présentation de saison, pourquoi Bérénice, pourquoi Proust, pourquoi l'éducation sentimentale? Et ces jeunes gens ont su très bien expliquer pourquoi pour eux, c'était pertinent aujourd'hui de redonner du sens à ces grands textes avec lesquels on a grandi à l'école souvent. On va devoir presque conclure cette première impression de présentation de saison. On va se retrouver au cours de la saison dans le cadre de l'émission mensuelle qui se trouve effectivement en partenariat sur l'antenne de la radio locale RGB. Le mot partenariat, d'ailleurs, c'est aussi un fil conducteur dans cette idée d'être en relation, de développer la relation avec d'autres partenaires sur le territoire. Ça fait partie effectivement un peu de l'ADN de l'histoire même de cette scène nationale, et ça continue. Il n'y a pas eu de rupture de ce côté-là. C'est-à-dire, je pense au Festival Baroque de Pontoise, je pense à Jazz au Fil de l'Oise, je pense à Escaldance, le Festival Théâtral du Val d'Oise, on va dire de grands événements qui irriguent la culture dans ce département, auxquels la scène nationale ouvre ses portes et au-delà de ça, participe activement à l'ensemble de ces différents réseaux que je viens de citer et pour certains que j'ai peut-être oubliés. Bah, pour moi, ça, c'est un vrai plaisir parce qu'en effet, c'est vrai qu'au bout de 2 saisons, ce que je peux dire, c'est que vraiment, il y a une histoire, en effet, comme tu le dis très bien, José, de tradition. Le baroque, le jazz au Fil de l'Oise, le festival de théâtre, le forum, énormément d'équipements culturels et qu'on travaille ensemble. Et j'ai envie de dire, c'est d'une part très agréable relationnellement, mais c'est aussi très productif pour les populations, très important, puisqu'en fait, on se met d'accord sur des projets et que du coup, on associe nos compétences, qu'on a tous des spécificités, des connaissances différentes et que du coup, bah voilà, quand dans les temps génération, je demande à Bruno Sabini de me concocter des concerts, je lui fais confiance. Quand je parle avec Pascal Bertin, qui est le nouveau directeur du Festival Baroque, et que je lui dis, écoute, je ne suis pas une spécialiste de baroque, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je connais Samuel Echache, il m'écoute. Et on fait des choses ensemble. Quand je parle avec Isabelle Méchali du Jazz au Fil de l'Oise, eh bien, on discute sur Evry Serre, mais aussi sur Vincent Perani, et que cette particularité du Val d'Oise, qui n'existe absolument pas dans tous les départements, j'ai eu envie qu'on la sente à la présentation de saison, parce que c'est une richesse qui est que des gens, enfin des programmateurs, des directeurs avec des spécialités artistiques différentes s'associent pour penser à des projets communs. Et justement, ça résonne bien, ça va dans le sens de ce qui a été dit, justement, entre l'ensemble de ces partenaires, il y a en effet des points communs. C'est non pas l'identité nouvelle, mais en tout cas une manière de signifier aujourd'hui ce qu'est la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise, point commun à partager, parce que cette notion de partage, elle est évidente entre partenaires, mais avant tout avec tous les publics d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire de Cergy-Pontoise et plus largement du Val d'Oise et voire des départements voisins. Merci Feriel, à bientôt. Merci José, à très vite.